Salut à tous et bienvenue sur le WB Japanese Radio Show pour la rubrique copie non conforme. 5 covers et leur version originale à découvrir tout de suite. On démarre cet épisode de copie non conforme par la chanson Mind Games de John Lennon. Et c'est Noel Gallagher et ses High Flying Birds qui interprètent la cover. copie non conforme. When My Dad Is Gone est une chanson de McGuinness Flint. Et ce sont les Blue and Broke qui en ont fait une adaptation en français sous le titre de Je serai morte. Oh, tous les ans, je m'offre un peu de bon temps. Je m'assois sur un banc, regarde vivre les gens. Si je meurs, je ne veux pas un seul mot sur ma tombe. Je n'aime pas les fleurs et surtout mes sœurs qui rêvent que je parte à l'heure. copie non conforme. On va écouter maintenant le I Shot the Sheriff de Bob Marley, repris en 1976 par Ken Booth. Ooh, ooh. Copie non conforme. Tiffany Doucet a repris The Best de Tina Turner en version acoustique. On écoute les deux versions. Come to me, come to me. copie non conforme. On termine cet épisode de copie non conforme par Losing My Religion de R.E.M., interprété en style bossa nova par Dou Beach et Laetitia Carvalho au chant. That brought me to my knees, face.